baisser la batterie maintenant, RP. Bonjour Phil. Ton père ? Je suis ton père. En fait, il est parti travailler, en fait, si je comprends bien. Parce qu'il y a des gens qui vivent de la musique. Papa Nick, oh Papa Nick. Et Papa Nick et maman panique. Ah. Papa Nick et maman panique. J'ai trouvé la rime. Ah ouais. C'est qui ça? What, ça? Élémentaire, mon cher Watson. Fuzz you, ça veut dire quoi? Fuzz you. Ah, je connais. Fuck you. Fuzz you. Bon, on fait quoi? Moi, je veux bien faire un peu de basse sur mon synthé, c'est tout.